Je n'ai pas besoin de toi, mon pauvre ami, je n'ai pas besoin de toi. Tu te prends pour qui? Je n'ai pas besoin de toi. Tu peux t'en aller. Je n'ai pas besoin de toi. Reprends ton cœur, je n'ai pas besoin de toi. Et sans douleur, je n'ai pas besoin de toi. Tu peux t'en aller. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas besoin de toi. J'ai tout mon temps, je n'ai pas besoin de toi. Je peux t'oublier. Je n'ai pas besoin de toi. Tu as les yeux. Je n'ai pas besoin de toi. Si malheureux. Je n'ai pas besoin de toi. Reste encore un peu. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Ici c'est mieux. Je n'ai pas besoin de toi. Reste encore un peu. Je n'ai pas besoin de toi. En attendant. Je n'ai pas besoin de toi. Tout comme avant. Je n'ai pas besoin de toi. Embrasse-moi. Moi j'ai tant besoin de toi, embrasse-moi. Je n'ai pas besoin de toi. Moi j'ai tant besoin de toi, embrasse-moi. Je n'ai pas besoin de toi.